Emergency pop. Emergency pop. Dingus. Qu'est-ce que l'orfèvre? Viens, viens dans l'antre de la bête. À ta perte. Encore un jour où l'obscurité règne, dirigé par le mal, digéré par le masque qu'on enfile, ce qui pourrit tes rêves. C'est la folie, c'est raide, gros l'agonie s'élève. On t'invite à faire les 100 pas où la police est telle. Univers hostile, barbecue d'un démon infâme et on y fait le rose bif. La nuit c'est nocif, y'a trop d'espoir qui s'écroule. Faux départ, fausse, les gardes venez voir si c'est cool. Ces charbons cantés sur des presses, préparez l'épitaphe. J't'emmène marcher dans les couloirs d'une mort inévitable. Oublie les virages, c'est tout droit dans le gouffre. T'es rentré croyant les mirages, mais tous part en couille. Y'a toutes les chaises qui tendent, des morceaux de chair qui pendent, des sortilèges autour du feu, y'a même le chef qui danse. Sois le bienvenu dans la fournaise. On peut trépasser par impertinence. Sois le bienvenu dans les dégons. Les sentinelles t'emmènent en balade. Là où l'atmosphère est très sombre. Un sortilège donné rend malade. Le chemin t'emmène dans la pénombre. Lequel de tes principes rendra l'âme? Tu marches avec l'armée des ombres. Tous les soldats ont des grandes palabres. On arrive dans mon domaine, donc on s'enfonce dans les limbes. Dans les mains d'un ogre à trois têtes, on est bien. T'as un mental de fer, tu prendras la lame dans les reins. Tu pensais que l'enfer est sur terre, mais là tu reconnais rien. Amityville Empire, l'empire des fantômes bipolaires. La milice de Malekith, ici c'est glacial qui connaît. Y'a pas de petite colère, les hyènes ont la jura en elle. Elles dévorent des êtres vivants, mais moi je veux pas en être. Je te présenterai les pires, tes guerres de bande, c'est des plaques. Dans l'antre de la bête, ceux qui rongent les gens, c'est des plates. Les corps se décomposent, ne pose pas tes couilles à table. Sur mes pas, tu cours à ta perte, mais ça, tu le pourras pas. Omniprésence du mal, les vautours te tournent autour, tour à tour. Les spectres et les démons te pour le coup, mais bon, t'as voulu rentrer dans ma bulle, il faut assumer. Je te fais connaître un monde parallèle à la race humaine. Sois le bienvenu dans les dégons. Les sentinelles t'emmènent en balade. Là où l'atmosphère est très sombre. Un sortilège donné rend malade. Le chemin t'emmène dans la pénombre. Lequel de tes principes prendra l'âme? Tu marches avec l'armée des ombres. Tous les soldats ont des grandes palabres. Les entrailles du monde, les entailles montent quand il y a le couteau qui glisse. Dans les fourneaux d'Iblis, y'a les entrailles du monde. Un monstre qui t'entaille quand il y a le couteau qui glisse. Sois le bienvenu dans les dégons. Les sentinelles t'emmènent en balade. Là où l'atmosphère est très sombre. Un sortilège donné rend malade. Le chemin t'emmène dans la pénombre. Lequel de tes principes prendra l'âme? Tu marches avec l'armée des ombres. Tous les soldats ont des grandes palabres.